Yo, qu'est-ce que? Yo, pour vrai, là, mon plan, là, c'est que Montréal blow up the fucking spot. Yo, dis. Non, SP sans yo, pression. Explique, non, c'est moi les affaires du secteur, là, Montréal, Rive-Sud, Québec, shit. Montréal. What the fuck, man? Yo, il faut qu'on blow up the spot. Yo. QB6, 5-4-5-0-4-1-8-1-9. Yo. You know, c'est l'union fait la force. What the fuck, niggas, yo, man? Yo, you know, man. Il t'a qu'on se mette ensemble pis qu'on pète tout ici. What?